et il lance la main avec ses médailles collées sur le poitrail. On n'a plus qu'une envie pour finir sa vie, mourir en héros et prendre le métro direct du paradis, des soldats trop partis. Mais si on est civil, ça n'est pas si facile. Mais si on est civil, on trouve ça inutile. Et moi pour une mortelle, je t'envie en mortelle. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. Et moi pour une mortelle, je t'envie en mortelle. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. N'arrêtant pas de prier et que l'on a la foi, chacun porte sa voix. On doit tous les matins dispenser tous ses gains, secourir les pauvres tout comme les arbres. Pardonnez aux méchants et soignez les souffrants. Quand arrive la fin, un bon soir de tout ça, toute son existence aura sa récompense. Mais si on est civil, ça n'est pas si. Et moi pour immortel, je t'envie en mortel. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. Et moi pour immortel, je t'envie en mortel. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. Quand on est immortel, la mort est naturelle. Un plaisir si on me redonne, c'est un soulagement quand on souffre des dents, et c'est très surprenant quand c'est par accident. Quand on est immortel, l'ennui est bien réel. On ne connaît pas la peur, on ne regarde pas l'heure. On ignore le danger qu'on risque à traverser. Il faut pour se tuer, se faire assassiner, et ensuite assister au sort du meurtrier. Et moi pour immortel, je t'envie en mortel. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. Et moi pour immortel, je t'envie en mortel. Tu connaissais le réconfort, tu procures la mort. Quand on est immortel, l'ennui est bien réel.